Y a du soleil sur ta fondation, mais t'as mal fermé ton bastion. Un mur en tuiles, quel artisan. Je me suis faufilé comme un rat malin. J'ai pas dormi, je suis sous Red Bull. Mon sac est vide, ton coffre est full. Je suis venu propre, je repars blindé, même tes panneaux sont tombés. J'ai un lance-patate et des marshmallows. Ta base, on le graffe en mode Picasso. Mon équipe, une bande de singes, mais on pile tout, même tes charnières de porte qui grincent. Tu builds depuis l'aube, quel dommage. Ton shotgun trap, un mirage. J'ai mon saut, m'appelle, mon flair, je te rase comme un gamin sur Minecraft hier. On fout le dawa. Avec du mojito, ça va. Ta tour est l'endégo. On laisse un panneau rigolo. Sans stress, sans pull. Ton clan en recul. T'as tout mis dans le frigo. Merci, c'était trop rigolo. T'as build une base en 12 triangles. Mais t'as oublié l'angle du triangle. Une porte en bois sur un bunker. Même mes viewers auraient fait mieux, frère. Ride et scale stream pendant qu'on plie. T'as mis ta foi dans une tourelle fragile. On est rentré avec style et chant en ton. Avec des beats de géant. J'pose des claques auditives en stéréo. J'te braque sans armes, j'suis un héros. Tes coffres ouverts, c'est Noël. On loot tout, même ton sac poubelle. Avec amour, pour le bon loot toujours. Ton code trop simple. J'tape le beat pendant que tu rampes. T'es AFK à la plage, viens de loot ta hache. J'ai mis ton slip en vitrine et ton pseudo sur ma vitrine. T'es AFK à la plage, viens de loot ta hache. J'ai mis ton slip en vitrine et ton pseudo sur ma vitrine. T'es AFK à la plage, viens de loot ta hache. J'ai mis ton slip en vitrine et ton pseudo sur ma vitrine. T'es AFK à la plage, viens de loot ta hache. J'ai mis ton slip en vitrine et ton pseudo sur ma vitrine. Red Anthems, c'est notre été. Red Anthems, t'aurais dû protéger. Red Anthems, on revient chaque soir. Red Anthems, pour voler ton espoir. Red Anthems, laisse ton loot ici. Red Anthems, on le range au logis. Red Anthems, tu dors tant pis. Red Anthems, Rider Skill dit merci.